À toi, les juges. Ah, moi, vous avez des moi, vous pouvez sortir plusieurs personnes. Moi, je n'ai déjà des ni sorties. La liste des scars, je n'ai pas attendu. Bon, vos impressions sur la neige, et après vous sortirez, et la dame, elle va faire la photo. D'accord. D'accord. Donc, dites vos impressions. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça vous donne quelques impressions? Nous avons notre première fois les choses à la zone. On va se présenter d'abord. Non, ok, ok. Vous pouvez dire vos prénoms et vos noms en français. D'accord. Pour moi, je suis Patrick Sissoko. Je suis en train d'apprendre la tout est en train de devenir blanc. Donc, on était vraiment pressés de voir la neige tomber. C'est la première fois que tu vas toucher la neige. Oui, c'est la première fois que tu vas toucher la neige. En tout cas, c'est vraiment joli à voir tout. C'est excellent.